Les familles des Chinois liées à la lutte révolutionnaire anti-japonaise, comme la famille de Zhang Weifa et sa suite, la famille de Zhu Wei, fille de Zhu Baozhong et sa suite, et les délégations de l'Association internationale des Coréens pour la réunification, de l'Association des Coréens en Extrême-Orient de Russie pour la réunification, de l'Association des Coréens du territoire de Kamtchatka de Russie pour la réunification et des ressortissants coréens d'Ossorisk en Russie ont déposé le discours « Les bouquets de fleurs » devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.